Italo. C'est chaud, c'est chaud, intime. Mais n'importe quoi, mec. Hein? Mais c'est nul. Pourquoi? Tu l'as déjà fait. Faut passer à autre chose, faut changer dans la vie. Ça, c'est mieux. Digitalo. Un jour d'été, mon réveil me mate. Hier où j'ai été, il faut que je parte, mais je dois préparer. Je regarde la part, puis préparer un peu de gel, cheveux au plafond. Petit déjeuner, je n'ai trop chaud le plafond. Je ne suis pas sur le coup, bandail, mais je tiens le coup. Le pantalon ne me va plus beaucoup. Une cravate me tient le coup. Ce n'est pas ma journée, je mets les voiles matelots. En plus de tout cela, il pleut matelot. Je sors de chez moi avec mon kawaii. Dans le parc, tous ces jeunes qui me disent kawaii. Puis les problèmes s'enchaînent. Avec un vieux et son chien, son chien. L'animal devait venir de Croatie, car il avait de longs crocs assis. Il commence à me courir après. Vite, vite, vite. J'ai réussi à le semer, j'étais trop fier. Après, maintenant, j'ai mal à l'aine. Le vieux s'excuse avec son pull à laine. Une fille se jette sur moi, habillée en polyester. Je la regarde bien et je lui dis que polyester. Elle veut me faire une photo, mais elle n'a pas son appareil. Alors qu'est-ce que tu veux faire avec des gens pareils? Enfin dans ma voiture, je fous le contact. Quand je pense à ces aventures, faut que je fasse du full contact. C'est vrai que dans mon quartier, il existe un tueur mondial. Alors je fais comme dans One Piece, s'il faut j'utilise mondial. Go digitalo. Viser, oui, tu m'as manqué. Oui, tu m'as manqué, tu ne sais pas viser. Tropical. Go digital.